بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nous allons inshallah ta'ala aujourd'hui terminer le tafsir de sourate Ash-Shams. Il nous restait à voir la dernière partie, et notamment le récit ou une partie du récit de Thamoud. فقال الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود الثمود اسم قبيلة ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام. Donc ici Allah سبحانه وتعالى mentionne au sens approché, et les Thamoud ont certes démenti ou rendu mensonger. Thamoud, c'est le nom d'une tribu. Et leur prophète était Salih. Salih. Wa haoulai, ou plutôt wa diyaruhum fil hijr, ma'roufa fi tariq al-nas. Et ils habitaient où? Ils habitaient dans la région qu'on appelle al-hijr. Al-hijr, qui se trouve entre Médine et Tabouk. Hein, qui s'appelle à l'heure actuelle Al-Ula. Hein, Al-Ula. Et hein, vous connaissez l'histoire ou le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est rendu à Tabouk et qu'ils ont traversé l'endroit où se trouvaient les Thamoud, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé d'accélérer le pas. Hein, on va essayer de se contenter de se restreindre, hein, pas trop sortir d'ici. Parce que j'aimerais finir la sourate, mais là, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Mais Inch'Allah, quand on fera peut-être un jour l'histoire des prophètes, on pourra développer sur Al-Hijr, etc. Aoulahi kadzabu nabiyahum saliha. Et donc cela, les Thamoud ont rendu mensonger, hein, ont démenti qui? Leur prophète qui était salih. ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. Et leur prophète صالح عليه الصلاة والسلام, comme tous les autres prophètes, hein, il a appelé son peuple à adorer Allah عز وجل seul, sans rien lui associer. كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسل إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, hein, et nous n'avons pas envoyé avant toi, yani avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un messager excepté qu'on lui ait révélé, hein, qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée excepté moi, yani excepté Allah subhanahu wa ta'ala, adoré donc. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأعطاهم الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء إنه كلما جاء إنسان وأعطى كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره، ولكن الذي يظهر من القرآن خلاف ذلك. Et donc, il les a appelés à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et Allah azza wa jal a donné à Salih un miracle qui prouve sa prophétie. Et ce miracle, c'était quoi? C'était cette chamelle extraordinaire. C'était cette chamelle extraordinaire. Concernant la chamelle, hein, beaucoup de récits ont été rapportés comme quoi hein, elle provenait de la roche, d'une montagne, comme quoi elle est venue enceinte de 10 mois, etc. Il y a beaucoup de descriptions concernant la chamelle de Salih. Il faut savoir qu'il n'y a aucun texte authentique du Coran de la Sunna qui vient mentionner hein, la provenance de la chamelle, sa description exacte, etc. Et ça, j'aimerais ouvrir une parenthèse, que c'est, quelque chose, c'est un sujet très important. Hein, et qu'à notre époque, on trouve beaucoup de personnes, beaucoup de frères ou de sœurs, et surtout les enfants hein, qui sont influencés hein, par certains supports, que ce soit des livres, que ce soit des dessins animés, que ce soit des vidéos, hein, concernant le récit des prophètes. Concernant le récit des prophètes. Et ils vont, hein, ils ont beaucoup de détails sur le récit des prophètes. Et ces détails, hein, je ne rejette pas le fait hein, qu'ils l'ont pris d'une source hein, et qu'ils ne l'ont pas inventé d'eux-mêmes. Mais il faut savoir que concernant le récit des prophètes, beaucoup de choses qui sont rapportées proviennent de ce qu'on appelle al-israiliyat, hein, les récits israélites. Et donc j'ai jugé bon aujourd'hui d'ouvrir une parenthèse sur ce sujet pour qu'on comprenne, c'est très important, qu'on comprenne c'est quoi al-israiliyat, les récits israélites, comme on pourrait les traduire. Al-israiliyat huwa al-akhbar al-manqula an bani Israil min al-yahoud wa huwa al-akthar aw min an-nasara. Al-israiliyat, c'est les informations qui ont été rapportées de Banu Israël. Hein? Et la plupart du temps, des récits juifs, de la part des juifs. Hein? Et de temps en temps, de la part des chrétiens. Donc on les appelle les Israéliyat en référence à Banu Israël. Et ça, c'est très très important, mes frères. Surtout pour ceux qui aiment lire hein, dans l'histoire des prophètes, les récits des prophètes, etc. C'est très important de comprendre cela. Donc, les récits provenant, hein, les récits israéliyats, hein, sont divisés en trois catégories. La première de ces catégories, c'est ce que l'islam a affirmé, a confirmé. Et l'islam a prouvé la véracité de cette information qui se trouve dans les récits israélites. Mithaluhu ma rawahu al-Bukhari wa ghayruhu 'an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Qala ja'a hibr min al-ahbar ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et on va citer un exemple pour que vous compreniez cette première catégorie. Ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et d'autres. Selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit qu'un un rabbin parmi les rabbins est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un savant parmi les juifs est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqal ya Muhammad inna najidu anna Allah yaj'ala as-samawati ala isba' wal aradina ala isba' والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع والسائل الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. Il dit donc hein, cette personne dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il fait partie des gens du livre hein, il dit ya Muhammad, alors regardez déjà ya Muhammad hein, il n'a pas dit ya Rasulallah, ya Muhammad, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous trouvons dans nos livres. Hein, dans nos livres, il y a les gens du livre, At-Tawrah ou l'Injil. At-Tawrah pour Al-Yahoud et l'Injil pour le Nasara. Nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau et la poussière sur un doigt, et tout le reste de la créature sur un doigt. Et il dira, je suis le roi, je suis le souverain. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. Et le prophète صلى الله عليه وسلم s'est mis à sourire. À tel point que ses molaires apparaissent. Hani, hein, il a souri, il n'a pas rigolé aux éclats. Hein, il a souri à tel point qu'on a aperçu ses dents. Et ce sourire voulait confirmer ou affirmer ce que disait cette personne des gens du livre. Et je rappelle, je vous une parenthèse dans la parenthèse, concernant l'explication de ce hadith. On affirme pour Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est affirmé pour lui-même, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour lui, sans faire de ressemblance, sans changer le sens, sans renier et sans dire comment. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a des doigts, nous le disons, subhanahu wa ta'ala, sans dire comment sont les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire de ressemblance, en disant qu'il ressemble aux doigts des créatures, jamais laissa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble, et sans dire oui, ça veut dire la puissance, ça veut dire les bienfaits, etc., et sans le renier, on affirme, c'est tout. Et donc ici vous voyez, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, thumma qara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne, oui, a lu le verset qui vient prouver ceci lorsqu'il dit ils ont sous-estimé Allah subhanahu wa ta'ala, et la terre tout entière sera dans sa poignée, ou il sera dans sa main, le jour yawm al-qiyama, et les cieux seront enfermés dans sa main droite subhanahu wa ta'ala. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le verset, affirme ce que ce rabbin affirmait. Donc ça, c'est une preuve, le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, c'est une preuve de quoi? De la première catégorie des récits israélites. Ce qui a été confirmé par l'islam. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On le confirme. Deuxième catégorie, c'est ce que l'islam a rejeté et a rendu mensonger. Donc ceci, c'est nul. Ce n'est pas accepté. Caduc. Mithaluhu, un exemple, ma rawa al-Bukhari an Jabir radiyallahu anhu qala كانت اليهود تقول اذا جامعها من ورائها جاه الولد احول فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. L'exemple de ceci, c'est ce qui est rapporté dans le Bukhari et dans Muslim, muttafaqun alayh. Selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, qui a dit, les juifs disaient que l'homme qui avait un rapport avec son épouse par derrière, et là c'est pas dans l'endroit qui est interdit, il y a ni l'endroit qui est licite, mais par derrière. Les juifs disaient, celui qui avait ce rapport dans cette position, l'enfant allait naître, s'il y avait un enfant, il allait être un louche. Il louche. Bigleux, comme ça on dit. Naam. Alors Allah Azza wa Jalla a descendu, vos femmes sont comme un champ de labour. Labourez votre champ comme vous le désirez. C'est-à-dire que c'est permis pour vous. C'est permis d'avoir ce genre de rapport. Attention, dans l'endroit qui est permis, pas l'endroit qui est interdit par le Coran et la Sunna. Al-Muhim. Ici donc, l'islam est venu contredire et convenu annuler ce que les Israélites y disaient. والثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه. Troisième catégorie, ce que l'islam n'a ni confirmé ni rejeté. Qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire? On s'abstient. Ni on dit c'est vrai, ni on dit c'est faux. لما رواه لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. الآية. ولكن التحدث بهذا النوع هذا شيء آخر. C'est quoi la preuve? C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée dans Sahih Bukhari selon Abu Huraira radiallahu anhu qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, ou plutôt Abu Huraira rapporte que les gens du livre lisaient la Torah en hébreu. En hébreu. Ensuite, ils l'expliquaient, ils faisaient le tafsir de ça en quoi? En arabe. Aux gens de l'islam. Hein? Vous comprenez? Les gens du livre, ils lisaient la Torah en hébreu et ils faisaient le tafsir en arabe aux gens de l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne rendez pas véridiques les gens du livre et ne les rendez pas mensongers. Ne les rendez pas véridiques, mais ne les rendez pas mensongers dans ce qu'ils disent. Mais dites: nous avons cru en ce qui a été descendu sur nous et en ce qui a été descendu sur vous. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذ لم يخشى محذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من نار روى البخاري. Et le fait de discuter ou de mentionner cette troisième catégorie, c'est permis. À condition de quoi? Qu'on n'ait pas peur qu'il y ait un mal qui en découle. Ainsi, tu sais que, là, parce que cette parole que tu vas mentionner des gens des Israéliates à quelqu'un qui peut-être va l'utiliser à mauvais escient, alors là, tu ne lui dis pas. Mais pour discuter entre personnes qui vont comprendre que c'est un récit israéliate et que ni on l'affirme, ni on le contredit, alors il n'y a pas de mal, c'est permis. C'est quoi la preuve? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: transmettez de moi même si c'est une seule verset. Hein? Et discuter au sujet de Banu Israël, il n'y a pas de mal. Et celui qui ment sur moi volontairement alors qu'il prépare sa place en enfer. Comme l'a rapporté Imam Bukhari. وغالب ما يروى عنه من ذلك ليس بذي فائدة في الدين كتعيين كلب أصحاب الكهف ونحوه. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que malheureusement beaucoup de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui sont tombés dedans. Et surtout les enfants par leur naïveté. C'est quoi? La majorité des récits israéliates, la majorité de ceux-là, c'est des choses qui n'ont pas réellement de bénéfice dans la religion. Comme par exemple, ils vont te dire quelle couleur était le chien des gens de la caverne. Dans les récits israéliens, le chien était de telle couleur. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ta religion? Rien. Et ça va être pareil. Là, c'est pareil pour la chamelle. Hein? Que la chamelle était sortie de la montagne, qu'elle est enceinte de 10 mois, ça ne change rien. Et subhanallah, vous voyez, beaucoup de jeunes, surtout les enfants, c'est normal avec leur naïveté, mais aussi certains des débutants dans la religion ou peut-être des débutants dans la science, ils vont poser tout un tas de questions. Non, mais comment était la description exacte de la chamelle? Ou ils vont te poser des questions sur des choses. Qui n'ont pas comment était l'arbre que Adam il a mangé, quelle couleur et les fruits étaient de quelle forme, etc. Des choses qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas d'incidence dans ta religion, qui ne vont rien changer. Et subhanallah, je crois que c'était Shir Saleh Hafouz, ils avaient posé une question, est-ce que Isa alayhi salam, durant son mariage, ou quelque chose sur le mariage de Isa, j'ai oublié exactement, peut-être un de nos frères s'en rappelle, Chir a dit, on n'était pas présent, on ne sait pas. On n'a pas assisté au mariage. Pour le dire, question qui ne sert à rien. Question qui n'a pas d'incidence dans la religion. Donc là, il dit ici, le Chir, Chir al-Thaymin, rahimallahu ta'ala, la plupart des récits israélites, ils n'ont pas réellement d'impact dans ta religion. Donc il n'y a pas besoin de comment était le poisson de Moussa et son valet. etc. Juste pour terminer sur ce sujet, hein, je sais que c'est hors du cours, mais c'est important. C'est quoi la position des savants sur les Israéliyats ? موقف العلماء من الإسرائيليات اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. Il dit la position des ulama les positions des ulama ont été divergentes et plus particulièrement chez les gens du tafsir, les mufassirun. On peut en citer trois méthodologies avec les إسرائيليات. فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها مثل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. Première catégorie, ce sont les mufassirines qui ont mentionné beaucoup de récits israélites avec leur chaîne de transmission. Avec quoi? Le chaîne de transmission. Pourquoi? En disant, voilà, on vous a donné la chaîne de transmission, maintenant c'est plus notre responsabilité. Nous, on l'a mentionné, c'est sahih, c'est pas sahih, nous, on t'a mentionné la chaîne de transmission. C'est, nous, c'est plus dans notre ressort. À toi de vérifier si c'est vrai, c'est pas vrai. Mais on te le mentionne. Et qui a utilisé beaucoup ce procédé, hein? Imam al-Mufassirin. L'imam des exégèses du Coran. Celui que nul n'est censé ne pas connaître. Toute personne qui aime le tafsir doit obligatoirement connaître cet imam, qui est l'imam Ibn Jarir, hein, al-Tabari. Ibn Jarir al-Tabari, hein, qui est mort au début du 4e siècle et qui est l'imam. Tous ceux qui sont venus après lui se sont basés sur son tafsir. Son tafsir, il fait plus d'une vingtaine de volumes selon les éditions. Hein, et il ramène les paroles des salafs parmi les compagnons al-Tabi'in ou al-Tabari al-Tabi'in. Et il les ramène bil-Asanid avec les chaînes de transmission. Wa minhum man akthara minha. وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاتب الليل وفكان حاتب الليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة وقال عن الثعلبي إنه حاتب الليل ينقل ما وجد في كتب تفسير من صحيح والضعيف موضوع. Deuxième, c'est ceux qui ont mentionné beaucoup les récits israélites, mais sans aucune isned, chaîne de narration. Et celui-ci, il est comme, on appelle ça Hatib al-Layl. En arabe, c'est quoi Hatib al-Layl? Hein? C'est celui qui parle tout ce qui vient, il parle de tout ce qu'il entend. Il rapporte tout. Hein? Tout ce qu'il est là et tout ce qu'il entend, il écoute et il le rapporte. Malgré la dangerosité de ce qu'il peut rapporter. C'est ça le sens. Hein? Yatakallam bi kulli ma yamurru bi khatirihi. Et parmi ces tafsirs, al-Barawi. L'imam al-Barawi. Tafsir al-Barawi, c'est un des références dans le tafsir. L'imam al-Barawi, qui est mort, je crois, dans le 6e siècle, si je ne me trompe pas. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit concernant son tafsir, le tafsir de l'imam Baghawi, c'est un résumé du tafsir de Tha'labi qui était avant lui. Malgré le fait que le Baghawi, il a enlevé tout ce qui est mensonger et tous les avis des gens d'innovation et tout ça qui se trouvaient dans le tafsir de Tha'labi, il l'a purifié de tout ça. Et ils ont dit que Tha'labi c'était un Hatib al-Layl. Hein, tout ce qu'il entend, il ramène. Il ramène tout. L'année après, hein, dans le langage des jeunes ici, à notre époque, maintenant on dit c'est une chouchouka. Hein, il a tout mélangé. Hein, où il a tout rapporté. Tout ce qu'il a trouvé sur le tafsir, il a ramené. Que ce soit authentique, que ce soit faux, mensonger, il a tout ramené. D'accord ? Et troisièmement, وَمِنْهُ مَنْ ذَكَرَ كَثِيرًا مِنْهَا وَتَعَقَبَ الْبَعْدِ مِمَّا ذَكَرَهُ بِالتَّدْعِيفِ أَوْ الْإِنْكَارِ مِثْلُ ابن كثير. Et troisième façon de faire, hein, c'est ceux qui ont ramené beaucoup de récits israéliates, mais après l'avoir mentionné, hein, ils mentionnent ce qui est faux, hein, et ce qui est à rejeter. Hein, et ça, c'est qui? Ibn Kathir, hein, qui fait partie des meilleurs tafsirs du Coran. Et je vous conseille vivement de l'avoir chez vous en arabe, Inch'Allah. Taïb, ça, on ferme la parenthèse sur les récits israéliat pour que vous compreniez maintenant. Hein. Quand vous lisez l'histoire des prophètes, même l'histoire d'Ibn Kathir, l'histoire des prophètes qu'ils ont, d'Ibn Kathir, hein, qu'ils ont publié, hein, vous allez voir beaucoup de choses sur les prophètes. Ils vous ramènent beaucoup de choses. Ne prenez pas comme si c'était le Coran, on prend tout. Faites attention. Hein, et surtout vos enfants. À surveiller vos enfants. Hein, il y a le revers de la médaille, comme on dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, mashallah, ils ont traduit beaucoup de choses. Que ce soit des livres ludiques, hein, des livres pédagogiques. Non, mais c'est bien. Ils ont pris la parole des grands savants, comme Ibn Kathir et autres. Le problème, et ça, c'est un grand problème, c'est que des fois, je ne dis pas tout le temps, des fois, les personnes qui font ce genre de travail ne sont pas des étudiants en sciences. C'est des personnes, alhamdoulilah, peut-être ils ont appris l'arabe, peut-être ils sont graphistes, peut-être ils savent bien mettre en histoire, ils ont un côté pédagogique. Naam. Et donc, mais ils n'ont pas la science requise pour pouvoir choisir quoi mettre et ne pas mettre. Alors ils vont prendre Qisas al-Anbiya d'Ibn Kathir, ils vont tout traduire pour les enfants. Et ils vont traduire des choses que l'imam Ibn Kathir a mentionnées, mais qui fait partie des Israéliens. Donc c'est faire attention, ou alors les dessins animés, encore pire, avec toute la dangerosité et même le caractère illicite des dessins animés dans lesquels on peut trouver des choses mensongères, des mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois les représentations des prophètes, des prophètes qui sont représentés, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que les parents doivent faire très attention, ils doivent surveiller aussi, attention, les gens d'innovation qui passent par ces moyens, par ces supports, des dessins animés, l'histoire de Noé, ou l'histoire de Ali radiallahu anhu, mais en fait c'est fait par qui? Les chiites. Et dans les dessins animés, allez, boum, on envoie la croyance égarée, on envoie le poison pour les enfants des sunnites. Allez, bismillah. Tu vois pas, c'est pas marqué dessin animé chiite ou là comme ça. Non. Des fois même, vous savez, ces gens sont des gens qui utilisent la ruse. Peut-être qu'ils vont l'appeler la sunna ou la voie droite, des choses, des noms que tu vois, mashallah, ça donne envie. Et en fait, c'est un dessin animé fait par des shi'a ou autres. Wallahu al-musta'an. Al-muhim. Donc, on revient à notre chamelle, la chamelle de Salih. Ici, le shi'ir, il mentionne que cette chamelle était un signe pour prouver la prophétie de Salih et qu'elle devait boire un jour. Et là, je traduis la parole du shi'ir, après on va expliquer. Je traduis. Le shi'ir dit, elle devait boire un jour dans le puits et elle devait les abreuver du lait l'eau de deuxième jour. Abreuver les gens de lait. Et certains savants ont dit que chaque personne qui venait, qui donnait de l'eau à la chamelle, la quantité d'eau qu'il donnait à la chamelle lui rendait cette quantité en lait. D'accord ? Mais il dit ici le shi'ir que ce qui est apparent du Coran, c'est le contraire de cela. Mais après, il dit la preuve, liqaulihi ta'ala, laha shirbun wa lakum shirbun yawmin ma'loum. Et pour elle, un jour pour boire, et pour vous, un autre jour pour boire. Et là, on va. Fanna qatashra min al-bir yawman, thumma tadur al-laban fil yawm al-thani. Donc, shi'ir dit la chamelle, elle buvait dans le puits un jour, et ensuite, elle donnait du lait le deuxième jour. Ça, c'est l'avis que le shi'ir mentionne. On va mentionner l'avis ou la parole al-hafiz al-Qurtubi. Al-Qurtubi aussi. Al-Qurtubi, Abu Abdillah. Mohamed ibn Ahmed al-Qurtubi. Attention, il y a plusieurs Qurtubi. Al-Qurtubi, lui, c'est celui qui a al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an. C'est le tafsir du Qur'an al-Qurtubi. Un des tafsirs les plus connus aussi. Et surtout dans les ahkam, dans les jugements religieux, al-halal ou al-halam, tout ça, si tu veux un des tafsirs les plus développés, tafsir al-Qurtubi. Qurtubi en référence à Qurtum. Il était en Andalous, la ville de Qurtuba. un Qurtuba qui est aujourd'hui, comment s'appelle ? Cordoue, non ? Ouais, voilà. Qurtuba en arabe. Donc si tu vois Qurtubi, tu sais qu'il vient de cette ville. C'est l'affiliation à cette ville qui se trouve en Andalous. Hein ? L'Andalous qui était musulmane, je vous rappelle, pendant des longues années, très longues années. L'Andalous qui représente hein, l'Espagne, aujourd'hui le Portugal et la France, le sud de la France. Je rappelle que les musulmans sont montés jusqu'à Nevers en France, à une heure de Paris. Hein, tout ça, ça c'était considéré comme l'Andalous. Al-Muhim. Al-Qurtubi dit dans son tafsir Aylakum shirbu yomin wala shirbu yomin. فكانت إذا كان يومي أو إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله أول النهار وتسقيهم اللبن آخر النهار إذا كان يومي إذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم ليس لهم في يوم ورودي في يوم ورودها أن يشربوا من شربهم شيئا. Il dit Al-Qurtubi, donc ils avaient un jour pour boire, yani les Thamoud, hein? Et elle, la chamelle, elle avait un jour pour boire. Quand c'était son jour pour boire, elle buvait toute l'eau au début de la journée, et à la fin de la journée, hein, elle leur donnait, elle les abreuvait avec son lait, hein? Et quand c'était leur jour à eux, alors ils prenaient l'eau pour eux-mêmes, pour leur pâturage, pour leurs bestiaux. D'accord ? Et quand c'était le jour de la chamelle, ils n'avaient pas le droit de prendre de l'eau. Inta kalamuhu. Yani, encore une fois, c'est pour hein, comprendre le partage hein, entre eux et la chamelle. Walakin lam tanfa'hum hadhihi al-aya. كذب الثمود بطغواها أي بطغيانها وعدوها والباء هنا للسببية أي بسبب كونها طاغية كذبت الرسل. Mais ce signe qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné ne leur a pas été bénéfique ou profitable dans la mesure où ils ont démenti et ils ont rendu mensonger à cause de leur rébellion et leur transgression. Ici, quand il dit كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَغْوَاهَا, le bi ici, c'est ce qu'on appelle ba as-sababiyya, pour la cause. Pourquoi ils ont démenti, pourquoi Thamoud ont démenti ou ont traité de mensonge à cause de leur rébellion, de leur transgression. Et donc à cause de cela, ils ont démenti et ils ont rendu mensonger al-Rasul, al-Rasul qui est Salih. إذا انبعث أشقاها هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل وذلك حين انبعث أشقاها وانبعث يعني انطلق بسرعة أشقاها أي أشقى ثمود أي أعلاهم في الشقاء وليعذ بالله يريد أن يقضي على هذه الناقة. Et ensuite il mentionne, hein, il clarifie. C'est quoi cette rébellion ? Cette rébellion ou cette transgression qu'ils ont fait preuve ? C'est lorsque le plus vil, V-I-L, yani le plus mesquin, le plus mauvais, le plus transgresseur, le plus injuste d'entre eux, s'est levé, s'est hâté. Hein ? In ba'afa, c'est le fait de se déplacer avec vitesse. Pour faire quoi ? Pour tuer la chamelle. فقال لهم رسولهم صالح عليه الصلاة والسلام ناقة الله وسقياها أي ذروا ناقة الله لقوله تعالى في آية أخرى فذروها تأكل في أرض الله يعني اتركوا الناقة لا تقتلوها ولا تتعرضوا لها بسوء ولكن كانت النتيجة بالعكس. Et donc le plus vil d'entre eux s'est hâté pour la tuer. Et leur messager, Salih, leur a dit, hein, c'est la chamelle d'Allah. Hein, laissez la chamelle d'Allah, laissez-la boire. Hein, comme il a été mentionné dans un autre verset, dans Sourate Al-A'raf, hein, laissez la chamelle manger sur la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, laissez-la libre, ne la tuez pas. Hein, ne vous comportez pas avec elles de façon mauvaise. Mais le résultat de ceci a été le contraire. Au lieu de faire ce qu'on leur a demandé, ils ont fait le contraire, ils l'ont tué. فَكَذَّبُوهُ هَيْ كَذَّبُوا صَالِحًا وَقَالُوا إِنَّكَ لَسْتَ بِرَسُولٍ وَهَكَذَا كُلُّ الرُّسُولِ الَّذِينَ أَرْسَلُوا إِلَى أَقْوَامِهِمْ يَصِمُهُمْ أَقْوَامُهُمْ بِالْعَيْبِ كما قال الله تعالى كذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Ils l'ont démenti, ils l'ont traité de menteur. Et ils ont dit, tu n'es pas un messager. Et ainsi étaient tous les messagers qui ont été envoyés sur terre. Quand ils ont été envoyés à leur peuple, hein, les ont démentis. Et les ont traités de façon mauvaise. Et ils ont menti sur eux, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et c'est ainsi, hein, ce qui est venu de ceux avant toi parmi les messagers. Quand on leur a dit, hein, sahir, sorcier, majnoun, fou, hein, kullu rusul qila lahum hadha sahir ou majnoun, kama qila lil rasul alayhi salatu wa salam, innahu sahir, kazzab, majnoun, sha'ir, kahin. ولكن ألقاب السوء التي يقلبها الأعداء لأولياء الله لا تضرهم بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك. Tous les messagers ont été traités de menteurs. Tous les messagers ont été insultés. Comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont dit que c'était un sorcier, lorsqu'ils ont dit que c'était un grand menteur, quand ils leur ont dit que c'était un fou, un poète, un devin. Mais toutes ces mauvaises paroles, toutes ces insultes, hein, que les ennemis, hein, des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent proférer, n'ont pas d'incidence sur les alliés d'Allah. Ils ne les atteignent pas. Au contraire, ça augmente leur rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils patientent en espérant la récompense, alors ils seront récompensés encore plus. Et on va s'arrêter là, d'ailleurs on n'avait pas fini. Inch'Allah, partie numéro 4 de la sourate la semaine prochaine, Inch'Allah. Et pourtant je me suis retenu. Hein. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.